Aboie, Georges. La maman de Georges dit. Aboie, Georges. Georges fait. Miaou. Non, Georges. Dit la maman de Georges. Les chats font miaou, mais les chiens font ouf. Allez, aboie, Georges. Georges fait. Quack, quack, quack. Non, Georges, dit la maman de Georges. Les canards font coin coin, mais les chiens font ouf. Allez, aboie, Georges. Georges fait. Oui, oui, oui, oui, oui. Non, Georges, dit la maman de Georges. Les cochons font oui, mais les chiens font ouf. Allez, aboie, Georges. Georges fait. La maman de Georges emmène son fils chez le vétérinaire. Essayons de découvrir le fin mot de cette histoire, dit le vétérinaire. Aboie, Georges, s'il te plaît. Georges fait. Miaou. Le vétérinaire plonge la main à l'intérieur de Georges et en retire un chat. Aboie encore, Georges. Georges fait. Quoi, quoi. Le vétérinaire plonge la main loin à l'intérieur de Georges et en retire un canard. Aboie encore, Georges. Georges fait. Oui, oui, oui. Le vétérinaire plonge la main loin, loin, loin à l'intérieur de Georges et en retire un cochon. Aboie encore, Georges. Georges fait. Le vétérinaire enfile son plus long gant en latex, plonge la main loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin à l'intérieur de Georges et en retire une vache. Aboie encore, Georges. Georges fait. La mère de Georges est tellement émue qu'elle embrasse le vétérinaire. Et le chat. Et le canard. Et le cochon. Et la vache. Sur le chemin du retour, elle veut que tout le monde dans la rue entende aboyer son fils. Allez, aboie encore, Georges, dit-elle. Et Georges fait... Bonjour.